Les nuits de France Culture. En 1975, René Haby était le ministre de l'Éducation nationale du gouvernement de Jacques Chirac. Son nom est associé à la loi, votée cette année-là, qui réformait l'enseignement secondaire en instituant ce que l'on a appelé le collège unique. Une réforme contestée en son temps et critiquée bien au-delà des années 70. Depuis, bien des ministres et bien des réformes sont passées, et l'on a peut-être oublié que René Haby avait aussi pour projet, à cette même époque, de chambouler l'enseignement de la philosophie en le rendant facultatif en classe de terminale. Cela ne manqua pas de susciter de très vives réactions, dont celle de quelques figures de la philosophie, comme Jacques Derrida et comme Vladimir Jankélévitch et Michel Serres. Nous allons les entendre maintenant, tous les deux, invités en 1975 dans l'émission de Roger Pilaudin, Dialogue, à exprimer tout le mal qu'ils pensaient du projet de René Haby. Certes, leur débat a perdu de l'actualité brûlante qu'il avait alors, mais il a conservé tout son intérêt. Parions d'ailleurs que les moins convaincus aujourd'hui de la nécessité de l'enseignement de la philosophie pourraient être convertis en entendant Vladimir Jankélévitch et Michel Serres dire avec passion pourquoi sa place devait être préservée au lycée. Écoutons-les maintenant, en tout point accordés, nous expliquant, il y a quelques décennies, pourquoi la philosophie est nécessaire à l'existence de chacun d'entre nous. Dialogue pour la philosophie avec Vladimir Jankélévitch et Michel Serres, diffusé le 18 mars 1975 sur France Culture. Le projet de réforme de l'enseignement présenté il y a peu par M. René Haby a suscité, vous le savez, une polémique dont la presse a rendu compte. L'un des premiers, le premier à ma connaissance, à s'être vigoureusement élevé contre ce qu'il appelle l'assassinat de la philosophie, est justement Vladimir Jankélévitch, ici présent ce soir aux côtés de Michel Serres, pour ce dialogue pour la philosophie. Je rappelle que Vladimir Jankélévitch est professeur de philosophie morale à Paris 1, et dans la même université, Michel Serres y est professeur de philosophie des sciences. Ce dialogue est donc destiné à attirer notre attention sur la nécessité de l'enseignement philosophique, à mettre en évidence ce que cet enseignement a d'original et d'irremplaçable dans la formation des esprits et par conséquence dans le développement de notre société. Centième dialogue de France Culture pour la philosophie. Vladimir Jankélévitch. En effet, nous sommes là, paraît-il, pour défendre la philosophie. Elle en a bien besoin, la pauvre, parce que pour elle, c'est une question de vie ou de mort, d'être ou de ne pas être. Ce n'est pas seulement les programmes, ni même les contenus, c'est son existence même qui est en question. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est moi qui viens à son secours. Tous mes collègues sont aussi qualifiés que moi, et le feront beaucoup mieux que moi, d'ailleurs. Mais malgré tout, j'ai quelques titres à le faire, parce que j'ai fait de l'enseignement secondaire. Ce qu'on pourrait me reprocher... Ce qu'on peut nous reprocher, qu'on ne peut pas nous reprocher à nous précisément, c'est d'ignorer le problème de l'enseignement dans les lycées. Et j'ai été professeur d'enseignement dans les lycées en province pendant plusieurs années, et bien que ce fût un peu austère pour moi, c'est un souvenir qui malgré tout m'est cher, et c'est un passé pendant lequel j'ai appris beaucoup de choses. Alors si je le dis, c'est pas parce que ça peut vous intéresser que j'étais dans les lycées, n'est-ce pas ? C'est simplement parce que c'est une des particularités de l'enseignement supérieur de la philosophie en France. En France, l'enseignement supérieur de la philosophie se recrute dans l'enseignement secondaire. Il y plonge ses racines, c'est son seul nourricier. C'est une particularité française, paraît-il, je crois, belge également. Dans les autres pays, la philosophie est une spécialité de l'enseignement supérieur, comme l'école de notariat, la chirurgie dentaire, l'art vétérinaire, des techniques donc très respectables, mais qui sont réservées à l'enseignement supérieur. Et la façon dont le problème se pose en France vient de ce que presque tous, nous venons des lycées. Nous avons fait de l'enseignement dans les lycées, sauf quelques débrouillards, évidemment, il y a dans tous les ordres, dans toutes les branches, qui n'ont pas fait de lycée parce que c'est les ennuyer, mais la plupart en ont fait. Et nous gardons des habitudes d'esprit qui nous sont particulières, et qui caractérise donc l'enseignement philosophique. Alors, ce à quoi nous tenons, ce que nous voulons défendre, je le dis dès maintenant, c'est ce qui est menacé justement de stérilité, de néant par le ministre, c'est la classe terminale. Michel Serres. Cette histoire est une vieille histoire parce que les questions concernant l'enseignement de la philosophie dans le secondaire ont été posées déjà dès le 19e siècle. Seulement, il y a eu des épisodes dans l'histoire de la suppression ou des attaques contre l'enseignement de la philosophie dans le secondaire, et elles sont très précises et il faut les rappeler. La première de ces attaques qui a été suivie de la suppression totale de cet enseignement date du Second Empire. C'est à l'époque de Napoléon III que la philosophie a été suspendue dans les classes secondaires. Elle n'a été rétablie qu'après la guerre de 1870-71. Il faut aussi rappeler que lorsqu'elle a été remise en fonction dans le secondaire, elle n'a pas cessé d'être attaquée. Et elle l'a été de nombreuses façons, de multiples façons, et en particulier pendant la dernière guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque le gouvernement de Vichy s'est installé, un des premiers ministres de l'Éducation nationale, qui s'appelait Albert Rivault, qui était lui-même historien de la philosophie, a fait un projet visant également à supprimer l'enseignement de la philosophie dans le secondaire. Et donc, ce qui nous arrive maintenant, car je crois que les projets sont simplement comme résultat de la supprimer. Ces projets-là ont donc un vieil héritage historique et nous avons vécu, nous, hommes de 40-50 ans, nous avons vécu une lutte continue qui a recommencé dès après la guerre, dans les années 45-50, visant à supprimer cet enseignement. Cette lutte a été longue et difficile et elle a abouti au projet que vous connaissez. Par conséquent, il faut d'abord savoir que la philosophie est dans le secondaire, non pas comme un privilège, mais comme quelque chose de chèrement acquis. Vladimir Jankélévitch. Je crois savoir en général que les gouvernements autoritaires ne sont pas très au clair avec ces problèmes. Tantôt ils considèrent que la philosophie est nuisible, ou les humanités, tantôt au contraire qu'elles servent leurs intérêts. Je me rappelle que mon père me disait cela, en Russie, au temps du Tsar, alternativement, les ministres de l'instruction publique supprimaient les humanités ou les rétablissaient. Les supprimaient parce que les humanités parlent de la République romaine, enfin, éveillent des concepts éthiques dont le Tsar s'accommodait mal, et quelquefois, au contraire, les rétablissent comme étant réactionnaires. Donc, ils ne sont pas très, très décidés sur ce point. Et pour la philosophie, c'est un peu la même chose, je pense. Exactement. Ça m'a l'air, je crois que c'est un peu équivoque. Alors, qu'est-ce qu'on nous offre en pâture avec cette réforme? Eh bien, on nous offre, c'est très habilement calculé, à mon avis, et calculé de manière à rendre la philosophie complètement inoffensive. D'abord, on nous fait un cadeau empoisonné, un cadeau qui ressemble à un cadeau, c'est-à-dire la philosophie est en fait réservée à l'enseignement supérieur. La terminale est une option optionnelle, comme on dit dans le langage inimitable des ministères, est une option. Et à part ça, dans l'enseignement secondaire, il y aura trois misérables heures en première, c'est-à-dire moi pour les sciences économiques ou pour je ne sais plus pourquoi, j'ai autant que pour le dessin d'imitation et l'éducation physique. Et le fait qu'elle est ainsi une spécialité parmi d'autres, à laquelle on consacre 3 heures par semaine, la rend complètement inefficace. Et c'est évidemment le but recherché. Le but est donc, finalement, de supprimer le message qu'elle apporte aux jeunes gens, et le message auquel ils décident, de supprimer la communication entre les uns et les autres, et c'est assez machiavélique, d'ailleurs. Elle devient une spécialité, une technique, ce que, justement, elle n'est pas. Et c'est donc cela qui, à mon avis, est le but recherché, c'est le rabougrissement, le ratatinement de la philosophie, qui doit se recroqueviller sur elle-même, de façon à n'être qu'une technique, ce qu'elle, précisément, elle n'est pas. Une technique et dont, évidemment, les étudiants se désintéresseront vite, et surtout, qui supprime la chose importante entre toutes, qui est l'enseignement secondaire pour un professeur de lycée. Ce sont les seules années pendant lesquelles un professeur de philosophie parle à tout le monde, y compris à des jeunes gens qui ne feront pas de la philosophie leur spécialité. Quand nous sommes entrant dans les facultés, eh bien, on a affaire à des spécialistes. Alors là, ça devient déjà inoffensif. Les philosophes parlent aux philosophes, comme on disait pendant la guerre, les Français parlent aux Français, les philosophes parlent aux philosophes, ça tourne en rond, c'est une société close, et dans laquelle alors la philosophie est réduite, va mourir d'atrophie, puisque dans le projet ministériel, nous n'aurons dans les facultés que les gens qui ont choisi en terminale la spécialité philosophique, comme ils choisissent par ailleurs l'art dentaire ou le droit. Alors, qui va choisir l'enseignement philosophique, puisque tout est fait actuellement pour dissuader les étudiants, les élèves, d'entrer dans cette classe maudite, n'est-ce pas? Et maintenant, ils songent à leur avenir, à des débouchés, comme ils disent, et comme ils ont raison de le dire, et comme actuellement, la philosophie subit des attaques concentriques de tous les côtés, bafouée, moquée, traînée dans la boue, piétinée, et que ceux qui l'enseignent sont tournés en dérision, que d'autre part, les places mises au concours diminuent d'année en année, et que bientôt, peut-être, il n'y aura plus de concours du tout. Alors, vraiment, les gens qui vont entrer dans ces terminales sont vraiment des destiné au sacrifice. C'est une abnégation héroïque que de se destiner à la philosophie. Mais oui. Je crois qu'il faut savoir, il faut dire publiquement que ce projet arrive à une période tout à fait précise. Vladimir Jankélévitch a dit à juste titre les conditions politiques de la chose. Je voudrais en dire les conditions générales. Il faut savoir, et je dirai tout à l'heure que peu de gens le savent, il faut savoir que ces projets ont été décidés au moment précisément où on assiste en France à une explosion extraordinaire de vitalité de la recherche et de l'enseignement philosophique. Il faut savoir que depuis 20 ans, en philosophie, il se passe des choses en France. Il s'en passe beaucoup. Il s'en passe tellement qu'il ne s'en passe que là. Et que si vous voyagez dans les universités étrangères, aussi bien en Amérique qu'en Europe, vous vous apercevrez que l'étranger, je le dis parce que je l'ai vu et vécu, que les étrangers ont les regards fixés sur ce qui se passe actuellement en France. Tout se passe, si vous voulez, comme si en économie, ça serait au moment où une usine tourne à plein rendement qu'on interdit son exportation et qu'on l'arrête de fonctionner. Et je crois que ceux qui suppriment la philosophie le font comme dans une vieille lutte d'arrière-garde où on pense à ça comme ce à quoi on a été condamné autrefois, il y a 40 ans ou il y a 30 ans. Enfin, tout se passe comme si ceux qui s'occupent de la culture et de la philosophie en France ignoraient absolument les productions de ces disciplines depuis quelques années. Alors je crois qu'il faut le dire d'abord en public, parce que ces choses-là ne se savent pas forcément, mais il faut le dire aussi à ceux qui nous gouvernent, qui visiblement l'ignorent. Et puis vous t'ajoutez d'ailleurs, autant que je le sache, il paraît que ça se dit au ministère, il paraît que, parce que je ne sais pas ce qui se dit au ministère, mais dans les calculs qu'ils font, ils savent très bien que la philosophie en France est très jeune, et que la moyenne d'âge des professeurs de philosophie en France est de 32 ans. C'est le chiffre que j'ai retenu. Donc un professeur de philosophie, c'est jeune actuellement. Donc l'image traditionnelle du vieux professeur de philo, tout couvert de poussière, de poils, enfin, oui, comme que nous avons connu, quoi, un vieux facile, tout ça c'est une imagerie tout à fait dépassée. Les professeurs de philosophie sont jeunes, très proches de leurs élèves, parlent avec eux, quelquefois ils se tutoient, bon, c'est leur droit, et sont camarades, et il y a une espèce de fraternisation, de sympathie et une rénovation des méthodes pédagogiques. Je vois dans la salle du reste quelques jeunes maîtres que je connais bien, quelques-uns viennent de notre enseignement, j'en suis très content et très fier, et il y a donc une atmosphère tout à fait différente et un échange, et c'est le moment qu'ils choisissent pour détruire ça. C'est ça, c'est le moment où ça marche le mieux, quoi, disons, pour parler rapidement. Et puis certainement cette fraternisation, ça leur déplaît. Attends. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Oui, j'ai peur de vous dire que oui. Et puis alors surtout, n'est-ce pas, je voulais aussi ajouter ceci, ce qui me paraît important, c'est cette ouverture à tout le monde, que rien ne remplace. Et par exemple, très souvent, ça doit vous arriver à vous aussi, les témoignages des plus touchants qui reviennent à nous, enfin touchants, vous comprenez, je ne suis pas tellement... Oui, ça me touche, viennent de non-philosophes, de médecins qui ont suivi nos cours, n'est-ce pas, et de mes années de lycée, des médecins, des juristes, notamment des médecins. Et qui ont beaucoup de gratitude, d'abord la nostalgie de l'enseignement philosophique dont ils ont besoin, paraît-il, et la gratitude envers ceux qui les ont initiés, quelque chose d'absolument nouveau, dont ils ressentent le besoin. Et c'est eux qui défendent la philosophie et qui la défendront, souvent mieux que nos collègues, c'est certain, mieux que nous-mêmes. Je voudrais signaler, par exemple, que depuis 2 ans, il existe à l'École normale supérieure un séminaire, on appelle ça un séminaire, et qui est intitulé « Séminaire de philosophie et mathématiques ». Ce séminaire, qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, fonctionne tous les lundis soirs, et il groupe à peu près tous les grands savants du moment. C'est-à-dire des mathématiciens, des physiciens, des chimistes, des biologistes, ils vont pour étudier ce que d'abord d'autres savants font en même temps qu'eux, mais aussi des philosophes. Le succès a été tel d'ailleurs qu'il a surpris ceux qui l'ont organisé. De sorte qu'il y a en milieu intellectuel, en milieu savant et en milieu étudiant, un regain d'intérêt absolument inouï pour la philosophie. Et c'est justement un des produits de l'explosion de vitalité qui a lieu actuellement que ce séminaire. Et justement, je le répète, c'est au moment même où ça marche le mieux que les choses sont coupées à la racine. C'est ça qui est absolument paradoxal. Alors je reviens encore aux stratagèmes vraiment machiavéliques qui sont appliqués dans cette réforme et qui n'apparaissent pas au premier coup d'œil. C'est pas quand on nous offre ce magnifique cadeau de 3 heures en première et ensuite une terminale qui sera une option. Alors ce que l'on supprime, je le répète, c'est le contact avec tout le monde. Dans les universités, auxquelles donc la terminale prépare immédiatement, parce que la terminale qui s'appelle une option, option c'est un euphémisme pour sélection. Quand on dit une option, ça paraît libre. Option, opter, c'est à faire un acte d'homme libre. Mais quand l'option est conditionnée et que celui qui opte est déjà aliéné, est obligé de choisir ce qu'il choisit, c'est se moquer de lui, de dire qu'il choisit. En fait, c'est une sélection qui n'ose pas dire son nom. Alors, il vaut mieux le dire, mais c'est ce qu'on n'avoue pas, à mon avis. Alors, donc, dans l'enseignement supérieur, nous allons, dans quelques années, parler uniquement à ceux qui enseigneront la philosophie. Le métier de philosophe consistera à enseigner pour ceux qui, à leur tour, enseigneront la philosophie, lesquels, à leur tour, enseigneront la philosophie à ceux qui enseigneront la philosophie, ça ne se transira jamais de là. Si bien que la philosophie devient un métier secondaire au sens littéral du mot, mathématique, ça n'est pas primaire, on n'enseigne pas des choses, pour soigner une dent quand on est dentiste, soigner des animaux malades quand on est vétérinaire, mais ça consistera à enseigner ce que d'autres enseigneront. Donc c'est un métier qui n'a pas de matière, qui est en l'air, qui mourra d'asphyxie. Michel Serres. Une des vertus de la classe terminale telle qu'on l'enseigne dans le secondaire est, à mon avis, quelque chose qu'on a peu dit et peu exprimé, et qui est la chose suivante. Dans la classe de philosophie, on enseigne... Eh bien, c'est tout simple. On enseigne tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on enseigne un peu de logique formelle, etc. On enseigne un peu de philosophie des mathématiques. On enseigne un peu la théorie de l'expérimentation physique. On enseigne de l'économie, on enseigne de la psychologie, de la psychanalyse. Bref, on enseigne tout. Vous me direz, tout et rien. Non, on n'enseigne pas tout et rien. On enseigne quelque chose qui me paraît très important. On enseigne ce que j'appellerais l'encyclopédie minimale, c'est-à-dire très exactement un lieu de rencontre. On a dit, je fais une parenthèse ici, on a dit quelquefois que la philosophie était la reine des sciences. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? Il n'y a plus de reine depuis très longtemps. Non, c'est simplement un lieu de rencontre, un lieu d'échange, n'est-ce pas ? Où différents savoirs et différentes manières de penser ou différentes rationalités s'entrechoquent les unes les autres. Or, il n'y a aucun enseignement spécialisé ou disciplinaire qui puisse offrir ça, savoir le lieu d'intersection, le lieu d'échange, le lieu où différents savoirs se rencontrent. Et l'effet de cette rencontre, l'effet de cette intersection est quelque chose comme un effet critique, n'est-ce pas ? Alors, la philosophie est critique, mais elle n'est pas critique comme ça, au hasard et sans matière. Elle est critique parce qu'elle est le lieu où les différents savoirs et les différentes rationalités se rencontrent. Et c'est cet effet de rencontre qui est critique. Il n'est pas seulement critique. Mais attention, le ministère vous dira qu'il recrée ça en première, puisqu'il y aura en première, de l'économie politique. D'accord. Pas d'histoire, surtout pas d'histoire. Surtout pas d'histoire. C'est dangereux, ça, l'histoire. Ce que je suis en train de défendre actuellement, c'est un bloc... d'enseignement long. Oui, là, vous avez tout à fait raison. Oui. Il n'est pas vrai qu'on puisse enseigner la philosophie en 3 heures, en 2 heures par semaine. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pour la raison que je viens d'exposer. Si vous voulez, à un certain moment, faire voir l'endroit où se rencontrent les différents savoirs distribués dans les autres enseignements, il faut un bloc d'heures long pour essayer de construire cet espace où ce que j'appelais une encyclopédie minimale, c'est-à-dire le lieu où les différents savoirs se rencontrent. Or ça, on ne peut pas faire ça en une heure ou deux heures ou trois heures. Le faire en très peu d'heures, c'est détruire ce phénomène. Oui, mais ça, c'est que je cherche à être en désaccord avec vous, mais j'y arrive pas. Oui, sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec vous, de nouveau. Et peut-être que c'est une chose qu'il faudrait dire à ceux de certains collègues qui nous considèrent comme des impérialistes, parce que la philosophie avait 8 heures. Or, moi, je crois que les 8 heures, le nombre d'heures, c'est l'essence du problème. C'est l'essence du problème. Parce que la philosophie nécessite, je crois quand même que M. Souriau disait ça, en termes très, très bons, dans un article, qu'il faut une imprégnation, une imprégnation de l'esprit pour une initiation à des choses absolument nouvelles qu'on ne peut faire qu'avec 8 heures par semaine. Quand il n'y a que 3 heures, c'est peine perdue. C'est peine perdue. On ne peut pas construire, un espace ou un réseau à l'intérieur duquel les savoirs se rencontrent en expliquant seulement une discipline ou une autre discipline, etc. La philosophie, moi je crois que c'est tout simplement celle qui s'entremet, n'est-ce pas ? Socrate le disait, la philosophie c'est une entremetteuse. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire c'est ce en quoi les autres savoirs et les autres raisons peuvent se rencontrer. Alors j'ai dit tout à l'heure que cela avait un effet critique, ou un résultat critique, mais cela aussi a un autre résultat qu'il faut dire et que peu de gens connaissent, c'est un effet d'anticipation. On dit toujours que la philosophie est en retard. Eh bien, ce n'est pas vrai. La philosophie est toujours en avance. Tous les grands philosophes étaient en avance sur la science même de leur temps. Bergson, qu'on a tant critiqué, était en avance sur la biologie, et les biochimistes ont découvert il y a 10 ans l'importance d'un problème qu'avait posé Bergson. Bergson qui a fait des années de lycée. Oui, bien entendu. Il a été professeur de lycée à Clermont. À Clermont-Ferrand, n'est-ce pas ? C'est ça. L'effet d'anticipation est très important. Je ne sais pas, personne n'a dit ou personne n'a expliqué que celui qui a inventé la structure spiralée de l'ADN au moment où Watson et Crick ont eu le prix Nobel, c'était un philosophe, n'est-ce pas ? C'était quelqu'un qui avait fait de la philosophie et qui avait fait deux ans de biologie par la suite. Une des plus grandes découvertes, si vous voulez, de la science contemporaine a été faite par quelqu'un qui était de formation philosophique. Il est vrai que de notre temps, enfin, du mien surtout, n'est-ce pas, même en ce temps-là, reculé, les professeurs de philosophie connaissaient une science. D'abord, qu'est-ce qu'on faisait toute l'année de philosophie? Qu'est-ce qu'on faisait dans les bahuts? On faisait, dans les lycées, on faisait de la psychologie. De la psychologie dépassée, ou de la psychologie plutôt pas du tout à l'heure de la science. Ils ne connaissaient pas tous la psychanalyse, mais sous couleur de faire de la philosophie, on faisait de la psychologie presque toute l'année. Alors, ce qui n'interdisait pas aux philosophes tournés vers l'histoire d'éclairer la philosophie par l'histoire, par les arts également. Et en effet, c'était un condensé d'une foule de choses différentes. Un condensé d'une foule de choses, et plus qu'un condensé, il faudrait quand même savoir que les gens qui actuellement veulent remplacer la philosophie par des options un peu différentes, comme la psychologie pour les entreprises ou des choses de ce genre, devraient savoir, ou l'économie, etc., devraient savoir qu'on enseignait ces matières-là qu'en philosophie, n'est-ce pas ? Si elles n'étaient pas enseignées ailleurs, elles étaient enseignées dans la classe de philosophie, et donc c'est la philosophie qui a fait ce relais-là. Et par conséquent, cela devrait être retenu comme un champ à la fois de résumé global du savoir et d'élargissement de son horizon. Et puisque ici, je me sens non pas dans d'humeur académique, à faire un débat pas académique, mais je me sens dans une humeur militante, n'est-ce pas ? Parce que, en effet, la philosophie est en danger de disparaître par l'effet du pouvoir, et que je ne crains pas de dire que la disparition de la classe de philosophie, c'est un désastre pour la France. Un désastre. On va fabriquer une nation de crétins. C'est la crétinisation du pays. Je voudrais définir le crétin, s'il vous plaît. Le crétin, pour moi, c'est... Les abrutis, si vous voulez. Oui, c'est quelqu'un qui saura des sciences différentes et qui n'aura pas de liaison entre elles. Oui. On peut appeler ça un instruit inculte. Or, je crois que les instruits incultes, actuellement, c'est eux qui ont le pouvoir de décision. Il y a un petit projet dont je me fais l'écho, et qui envoie un autre, qui vient de milieu d'étudiants, de Paris 1, n'est-ce pas, qui propose un plan qui me paraît très bon, qui est d'accepter les 3 heures de philosophie qu'on nous offre en première, mais de préserver une terminale qui, en ce cas, évidemment, ne pourrait pas prétendre avoir 8 heures, parce que c'est à ce moment-là qu'on nous accuserait d'impérialisme, et avec raison, mais au moins 5 heures, n'est-ce pas, 3 plus 5 égale 8, ça ferait le même total, mais on préserverait quand même la terminale. Ça me paraît très bon. n'est-ce pas, d'avoir à la fois la première et puis une terminale dont le nombre d'heures est à débattre, mais qui préserverait le principe de la terminale, qui pour moi est très important. Pour la philosophie, 100e dialogue de France Culture enregistré dans le cadre du Festival du Son au Palais des Congrès à Paris et qui réunit Michel Serres, professeur de philosophie des sciences à Paris 1 et Vladimir Jankélévitch, professeur de philosophie morale à Paris 1. Michel Serres. Je voudrais vous poser une question. Vous avez dit dans un article que la philosophie, ça ne servait à rien. Vous pourriez nous expliquer cette chose-là? Parce j'ai que dit moi, que ça ne servait à rien. Oui. J'ai dit ça avec humour, oui, probablement. Avec humour. Oui, c'est ça. Oui. Je voudrais que vous exprimiez là votre point de vue sur ce point. Parce il y a un de nos collègues qui a récemment dit ça dans un quotidien du matin et dans un très bon article, et qui a dit la philosophie est inutile, par conséquent, elle est comme toutes les choses utiles, elle est inutile. Mais je comptais sur ça pour mon effet de la fin. Ah bon, alors, je ne veux pas le dire maintenant. Vous savez, oui, rien. D'accord. Mais je ne pas du tout. Oui. Mais moi, j'ai envie de dire quelque chose. Ah, bah dites-le quand oui, même. Oui, sur ce point. Oui, oui. On parle souvent de l'utilité des choses à ce point de vue. À quoi ça sert? Je voudrais quand même, s'il y a dans la salle des gens qui ont fait des études scientifiques, c'est mon cas, n'est-ce pas? Je voudrais qu'on soit sérieux sur le point de l'utilité, n'est-ce pas? Bien des gens qui se sont épuisés pendant 3 ans dans leur jeunesse à résoudre des équations différentielles du second ordre, n'est-ce pas, ont été nommés par la suite administrateurs et signent des ordres de service ou des factures toute l'année, de sorte que les mathématiques, ça ne leur sert à rien, n'est-ce pas, et une grande partie de la physique qu'ils ont appris ne leur sert à rien non plus, et ainsi de suite. Par conséquent, sur le critère d'utilité, on peut se battre tellement, on peut se battre au point de dire que pour 95% des Français, ce qui leur sert tous les jours, c'est les 4 règles et l'orthographe, et encore, n'est-ce pas? Bon, sur le point de l'utilité, on peut aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? On peut aller jusqu'au bout, car il est bien clair que dans beaucoup de services techniques, n'est-ce pas, c'est l'ordinateur qui fait la plupart du travail d'un certain point de vue, et que le reste n'est que l'administration. Ce qui sert finalement, c'est l'administration. Bon. Mais sur le point de savoir la philosophie à quoi ça sert, n'est-ce pas, j'ai au moins 2 choses à dire. La première chose, c'est de revenir sur ce que j'appelais tout à l'heure l'anticipation, n'est-ce pas? La philosophie, ça sert d'abord à se remémorer un certain capital, un certain stock, si vous voulez, d'informations mnémoniques dans le passé, n'est-ce pas? Et ça sert aussi d'anticipation au savoir futur. La philosophie, à mon modeste avis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'anticipation du savoir et des pratiques de l'avenir. Elle a toujours fonctionné comme ça, et je crois bien qu'elle fonctionne encore comme ça. C'est l'anticipation du savoir et des pratiques de l'avenir, et supprimer la philosophie, c'est supprimer ce type d'avenir. D'autre part, elle ne sert à rien, mais le mot servir a 2 sens, n'est-ce pas? Il a d'abord un sens d'utilité, mais il a aussi un sens d'esclavage, n'est-ce pas? Ça sert à quoi, on dit? Ça ne m'intéresse pas beaucoup de savoir à quoi ça sert. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui je sers, n'est-ce pas? Et j'ai été tout à fait ravi de faire de la philosophie dans ma vie après avoir fait la plupart du temps de la science. J'y ai appris qu'une chose, c'est que je sais maintenant que je ne sers personne. Et que toute la question n'est pas de savoir à quoi ce savoir sert-il, mais toute la question est de savoir si dans la vie on sert quelqu'un ou on ne le sert pas. C'est ça, je crois, ce que la philosophie profondément enseigne. Je crois que c'est un problème très important de voir comment, à quoi ça sert est dérivé de son sens fondamental, comme si on servait à quelque chose qui était un objet. Non, on ne sert jamais que des personnes. Je crois que c'est ça la question. Vladimir Jankélévitch. Si vous permettez, mon cher ami, parce que je vois que le temps passe, il y a un problème qui est très compliqué et qui fait que, malgré tout, ça n'est pas simple et que nous sommes en mauvaise posture, sur de la défensive, et qui explique d'ailleurs ma mauvaise conscience, peut-être la vôtre aussi. C'est l'ambiguïté même de la fonction contestataire de la philosophie. Vous savez, ce fameux mot contestation qui a empêché les milliardaires de dormir pendant les journées de mai 68, n'est-ce pas, ce mot contestation, et cette fonction contestataire qui va à l'infini et pour lesquelles, enfin, théoriquement, il n'y a pas d'écriteau sur lequel il serait écrit « défense d'aller plus loin », n'est-ce pas? En grec, ça se dit « anankasténai », Enfin, c'est pas encore plus clair en français. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Et par exemple, il faut s'arrêter devant la philosophie elle-même. Donc, la philosophie contesterait tout, sauf la philosophie elle-même. Alors, si c'est comme ça, est-ce que c'est encore la philosophie ? Est-ce que la philosophie n'est la philosophie que parce qu'elle se conteste elle-même et qu'elle conteste sa propre existence. Or ça aide beaucoup le ministère, n'est-ce pas ? Et ça aide beaucoup les ennemis de la philosophie. Et il paraît qu'on dit en haut lieu, pourquoi voulez-vous, disent les bureaux, que nous défendions la philosophie plus que les professeurs de philosophie ne la défendent eux-mêmes ? Parce qu'ils l'attaquent, n'est-ce pas ? Et comment ? Et en effet, c'est un peu leur vocation. On pourrait même dire qu'en un sens, ils sont là pour ça. Et nous avons appris en 68... dans les années où nous avons beaucoup appris, que les étudiants nous ont appris à réagir contre une espèce de sacralisation de l'exercice philosophique, de le pontificat des philosophes, le sacerdoce, le caractère, si vous voulez, irréel d'une société des auteurs du programme, le musée des grands classiques, enfin toutes sortes de valeurs reconnues, et un sacerdoce dont nous serions les officiants. N'est-ce pas ? Eh bien... comment sait-on tout cela ? Comment savons-nous que la philosophie ne doit pas être un sacerdoce, qu'elle l'est devenue, qu'elle sacralise son propre enseignement, qu'elle devient intouchable, qu'elle est une philosophie de droit divin ? Eh bien, par la philosophie. C'est la philosophie elle-même qui nous apprend que la philosophie ne doit pas devenir un sacerdoce, ne doit pas devenir dogmatique, ne doit pas propager un credo. Seulement alors, ce qu'on appelle aujourd'hui la marge de manœuvre qui nous reste est extrêmement étroite. Parce que dans les deux cas, alors, nous allons crever. La philosophie est condamnée à crever de deux manières différentes. D'une part, si la philosophie s'accepte elle-même de la contestation générale, n'est-ce pas ? Se sanctifie, devient intouchable. Alors, elle devient anti-philosophique et elle se ruine, n'est-ce pas ? Elle se renie elle-même. Elle n'est plus la philosophie. Mais deuxièmement, alors, les ennemis de la philosophie nous mettent en demeure de rester fidèle jusqu'au bout, c'est-à-dire de contester la philosophie, de la détruire. Nous sommes donc sommés de détruire la philosophie. C'est une tactique courante du côté du fascisme, de la droite, n'est-ce pas ? C'est de détruire la liberté au nom de la liberté. On n'a pas le droit de détruire la liberté, et non pas parce que la liberté est intouchable, mais parce que la liberté, il faut donc être libre de détruire la liberté. Et de même, par exemple, ceux qui prêchent la tolérance envers toute chose, sauf... Envers l'intolérance. Alors c'est ça que je répondrai. Et donc c'est difficile de distinguer par où la philosophie peut se sauver. C'est-à-dire contester toute chose, y compris soi-même, et pourtant subsister comme telle. Alors, mais non pas subsister comme une spécialité intouchable, sacro-sainte, et qui propagerait un credo, mais subsister dans son élan, dans sa volonté de renouvellement, dans un dynamisme qui la porte toujours au-delà. C'est l'intention philosophique qui est sacrée. Et de même, Saint-Just disait avec raison, pas de liberté pour les assassins de la liberté, ça va sans dire. Pas de tolérance pour l'intolérance, puisque la tolérance qui tolérerait l'intolérance, alors qui tolérerait Hitler, par conséquent. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une caricature. Donc, l'argument qu'on oppose à la philosophie en l'assommant de se contester elle-même jusqu'au bout, puisque décidément, elle est pour la contestation, c'est une imposture, c'est un sophisme machiavélique qui l'amène, l'accule au suicide. C'est pour qu'elle se suicide elle-même. Et beaucoup de philosophes acceptent ce suicide. Et évidemment, beaucoup de gens se frottent les mains, vous voyez bien, n'est-ce pas ? Oui, est-ce que ça vous paraît admissible, oui. Ce que je dis là ? C'est-à-dire, ça nous rend un métier très difficile d'ailleurs, ingrat, fatigant, épuisant. Et surtout, ça nous laisse très peu de manœuvres pour nous défendre. Ça ne nous laisse pas du tout de manœuvre. Je pense qu'effectivement, dans les siècles qui nous précèdent, la philosophie, ça a toujours été Socrate en train de mourir. C'est l'exploitation de la dialectique interne qui est inhérente à toute thèse, quelle qu'elle soit. Sommer quelqu'un d'être sincère pour rendre la sincérité ridicule, absurde, impossible. Sommer la philosophie, être philosophique jusqu'au bout, c'est-à-dire de crever. L'inviter à crever, et ainsi de suite pour tout le reste. Oui. Et ce sont des arguments dont on se sert autour de nous, ils ne sont pas négligeables. Et pour les imbéciles et les hypocrites, il est très difficile d'y répondre, en apparence. Au fond, c'est assez facile. C'est on assez peut. Facile. Je ne sais pas si vous répondriez comme moi. Oui, je répondrai comme vous. Je voudrais dire un mot, je ne sais pas si c'est permis dans une chose sur la défense de la philosophie, je voudrais dire un mot aussi sur l'histoire. Parce que cela nous touche de près, parce qu'une partie de l'histoire, c'est aussi l'histoire de la philosophie. Mais ce sont nos compagnons de misère. C'est nos compagnons de misère. Effectivement, l'histoire est aussi accablée par les récents projets. Peut-être plus encore. Peut-être plus encore. Parce que le mot même d'histoire a disparu des programmes. C'est ça. Mais à la longue, moins que nous, parce que c'est l'existence de la philosophie qui est controversable, qui est controversée. L'histoire subsistera même si elle est éliminée de partout. Mais enfin, ils sont malheureux aussi. C'est tout le problème. Enfin, nous sommes solidaires dans le malheur, ils sont malheureux, on va se réunir avec eux d'ailleurs, pleurer ensemble et surtout combattre ensemble. Oui, à propos de l'histoire, je voudrais raconter une histoire moi-même, avec un petit H. Je crois que sur ce point, les projets du gouvernement sont en avance de 10 ans. En avance de 10 ans. En effet, dans un livre qui a eu son heure de célébrité, un romancier anglais qui s'appelait George Orwell a publié sous le titre 1984 une sorte d'utopie politique qui a eu, que je le répète, une certaine diffusion. Et c'était une sorte de société où il y avait vraiment très, très bien organisé technologiquement et politiquement, n'est-ce pas ? Mais une sorte, si vous voulez, de société cybernétique parfaite, n'est-ce pas ? Avec un pouvoir tel que... Enfin, je l'analyserai tout à l'heure. Mais comment fonctionnait cette société ? Elle fonctionnait avec un petit détail qui vous intéressera peut-être. Ce petit détail, c'est ce qu'on appelle dans le livre le trou de mémoire. Qu'est-ce que c'était que le trou de mémoire ? Le trou de mémoire, c'était une sorte d'appareil en forme de trou, hein, où tous les matins, un certain nombre de services administratifs dans les ministères, on reprenait les journaux des années passées et on les corrigeait selon l'événement qui venait d'arriver le matin même, n'est-ce pas ? Et les anciens journaux, c'est-à-dire l'histoire, c'est-à-dire le stock, n'est-ce pas ? on les précipitait dans le trou de mémoire, n'est-ce pas ? Alors on a une société parfaitement organisée, n'est-ce pas ? L'ordre règne à Varsovie, à la condition d'avoir un trou de mémoire. Un trou de mémoire. Alors, on pourra questionner les gens. Hitler, connaît pas, n'est-ce pas ? L'épouvantable catastrophe d'Hiroshima, on ne s'en souvient plus, et donc on peut recommencer. Une société sans histoire est une société probablement parfaite. Elle n'est même pas cybernétiquement parfaite, puisque la cybernétique, c'est justement des machines qui fonctionnent avec des mémoires, n'est-ce pas ? Mais si vous supprimez l'histoire de la philosophie et la philosophie, vous préparez une société à trou de mémoire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire une société où on pourra recommencer n'importe quoi, puisqu'on n'aura pas conservé la mémoire de ce n'importe quoi. Enfin, tout se passe, si vous voulez, comme si dans cette société-là, si on vous proposait de détruire Notre-Dame pour mettre un parking à la place, vous réagiriez comme ça se passe dans l'invisible des archives et des pensées, les réactions ne viennent pas, mais c'est la même chose, n'est-ce pas ? C'est la même chose de supprimer l'histoire de la philosophie ou de mettre un parking à la place des monuments. C'est inutile, les monuments, c'est parfaitement inutile. Mais nous sommes dans une société où nous commençons à imaginer seulement que ce pourquoi une ville est habitable, c'est parce qu'il y a des arbres dehors et des monuments dedans, et supprimer l'histoire, c'est supprimer les monuments, et supprimer la philosophie, c'est supprimer cette marge d'inventivité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les faubourgs où il y a des arbres. Elle sera belle, la société de plus tard. Ça sera exactement la ville parfaite à autoroute, à échangeur, que nous aimons tous, je suppose, n'est-ce pas ? Mais je crois que c'est cette société-là qui sera en place si on supprime ces deux disciplines. Je crois que c'est très bien d'avoir dit tout ça. Vous défendez la philosophie du point de vue... En même temps que l'histoire. Des historiens, ce qui est naturel, et de votre part. Et ça me paraît très juste, surtout que, mon Dieu, nous vivons dans un siècle d'amnésie, dans un monde d'amnésie, n'est-ce pas, comme on le voit bien tous les jours par les journaux, par la réhabilitation des inciviques, par le climat qui règne autour de nous, par l'oubli des tragédies affreuses par lesquelles nous sommes passés, et des plaies sanglantes qui ne sont pas entièrement guéries et cicatrisées, et que nous faisons de notre mieux pour rappeler tous les jours, mais nous sommes devant des gens tellement oublieux qui n'ont pas besoin qu'on leur supprime l'histoire, ils ont déjà oublié, n'est-ce pas ? Donc l'entreprise qui vise à l'amnésie a déjà réussi avant d'avoir commencé. Elle a un peu réussi, mais je crois que si dans le secondaire, la philosophie et l'histoire fonctionnent encore, n'est-ce pas ? C'est probablement pour essayer de supprimer cette maladie que Vladimir Jankélévitch appelle l'amnésie. Une chose qui me paraît très singulière, mais ça m'étonnerait, évidemment on va dire que nous ne sommes pas assez en désaccord, c'est que nous vivons actuellement sous le règne du simili et du pseudo. On fait beaucoup semblant. Et il y a une tactique qui est courante, qui est de reste, qui a fait ses preuves, c'est de vider de leur sens les exigences des étudiants de 1968 et des années ultérieures, et de les détourner ensuite de ce sens, et de renverser des positions. D'intervertir les positions et les rôles. Les rôles sont intervertis. C'est nous qui sommes les réactionnaires, Les conservateurs, attachés à leurs privilèges, je ne sais pas quel privilège, mais enfin, il faut croire qu'il y a des privilèges précieux. Et au contraire, il y a une avant-garde ministérielle, n'est-ce pas, qui est à la tête, à la pointe, à la fine pointe du progrès. Et dans tous les ordres d'idées, tout à l'heure, j'ai parlé de l'option, ce qu'on appelle l'option, qui, à mon avis, est un alibi pour la sélection. Et c'est pour lesquels on se retranche derrière la pseudo-liberté de l'étudiant. Elle est belle, cette liberté, alors que l'étudiant, comme je le disais, est déjà aliéné. Donc c'est une fausse liberté. L'étudiant ne montera pas sur un bateau en perdition. Je ne dis pas ça pour vous qui avez été monté sur des bateaux, n'est-ce pas ? Oui. Mais sur un bateau qui est en train de faire naufrage, et dont tout lui montre qu'il fait naufrage. Et surtout, là encore, les adversaires de la philosophie sont aidés par les arguments, les armes qu'on leur fournit, n'est-ce pas, libéralement, et notamment par ce que nous appelions en ce temps-là la contestation. La philosophie passe son temps à se définir. Je vous rappelle que même les étudiants, les élèves s'impatientent, on s'impatiente dans les classes de philo, parce qu'au deuxième trimestre, le professeur est encore en train de définir la philosophie. Il n'a jamais fini de la définir. Mais c'est, au fond, c'est la philosophie qui est comme ça. On ne sort jamais des préliminaires. La philosophie est tout entière préliminaire, à moins que ce soit les préliminaires qui soient déjà la philosophie. C'est tout le temps philosophique, et notamment dans les préliminaires. Donc ce n'est pas étonnant si la philosophie se cherche. Et au fond, le fait qu'elle se cherche est un peu sa dignité et sa vocation, pourvu qu'elle ne se trouve pas trop tôt, pourvu qu'elle se trouve le plus tard possible. Alors je vois très bien quelqu'un du ministère, n'est-ce pas, nous montrant, voyez-les, ils ne savent même pas s'ils existent. N'est-ce pas, ils cherchent encore à définir ce qu'ils enseignent. Ils ne savent pas ce qu'ils enseignent. Et pour eux, la philosophie est inévidente. Alors vous voudriez encore que je les conserve, ces gens-là, n'est-ce pas ? Et donc je vais les aider à disparaître, puisqu'ils ne savent pas si leur spécialité existe, et puisqu'ils disent que ce n'est pas une spécialité, eh bien on va supprimer moi tout ça. Allez, enlevez-moi tout ça, tuez-la, la philosophie, qu'elle crève, la maudite, qu'elle crève, cette classe infernale qui, après tout, est tellement dangereuse qu'on accuse d'avoir dépavé les rues, d'avoir fait flamber les kiosques à journaux, d'avoir fait couler le sang à flot, d'avoir coupé les petits-enfants en tranches, d'avoir éventré les dames, etc., etc. Enfin, elle a commis tous les crimes, et en réalité, elle apprenait aux jeunes gens à penser, à réfléchir, à considérer mieux que les philosophes eux-mêmes que rien ne va de soi, que les valeurs ne vont pas de soi, que ce qu'on nous enseigne, enfin, et à renouveler également les contenus de la philosophie, parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Nous voulons la sauver, la philosophie. Alors, d'abord, elle est en péril de mort. Quand quelque chose est en péril de mort, et quand pour elle, c'est to be or not to be, d'abord, la sauver, puis on verra après. Mais ça ne défend, il n'est pas défendu quand même de savoir ce qu'on verra après, c'est-à-dire de la dépoussiérer un peu. C'est déjà commencé, d'ailleurs, depuis pas mal de temps. Il y a des auteurs qui sont plus au programme, on a enlevé un peu la poussière qu'on avait sur les manches, on a supprimé pas mal de choses, plutôt dans les rubriques d'ailleurs que dans l'esprit. Enfin, on peut continuer. Mais pour qu'on puisse continuer, pour qu'on puisse renouveler les programmes, il faut d'abord qu'il y ait une philosophie. S'il n'y en a plus, c'est pas la peine de parler des programmes, n'est-ce pas ? Peu importe ce que vous ferez. Donc, pour que la question puisse se poser, il faut d'abord la retirer du lac profond où elle est en train de couler. Donc notre réquisite actuelle est élémentaire. Et puis, quand on est en péril de mort, eh ben, on n'est pas difficile non plus sur le choix des moyens. D'accord, que vous êtes de mon avis ou, oui, bien, ou pas. Je suis de votre avis de façon stratégique. Je pense qu'on peut aller peut-être un peu plus vite pour définir la philosophie. Je pense aussi qu'elle a un rôle de critique et d'autocritique perpétuelle, bien entendu. Mais je pense tout d'un coup à la question suivante. Qui serait presque une question sociologique. Qui est demandeur de philosophie ? Qui ça intéresse ? Eh bien, finalement, je crois bien que ça intéresse tout le monde. N'est-ce pas ? Je crois bien que ça intéresse tout le monde. D'abord, on peut le savoir par presque des études de marché, étant donné le succès énorme qu'ont les livres où il y va d'une certaine manière de la philosophie. Des livres qui, pour certains de nos de collègues spécialistes, ne sont pas profondément des livres de philosophie, mais qui ont un impact important parce qu'il y est question de philosophie. Je crois qu'en fait, tout le monde est demandeur, et je crois que s'il y avait un très bon circuit de communication entre les gens qui sont gouvernés et les gouvernants et réciproquement, tout le monde saurait ça, saurait qu'effectivement, il y a une demande profonde de philosophie, d'invention philosophique et de diffusion philosophique dans les sociétés de notre temps. Mais oui, alors on cette clientèle qui n'est pas une clientèle d'ailleurs, n'est-ce pas, hein, qui est tout le monde. Qui est tout le monde. Nous ne sommes pas des spécialistes, nous ne sommes pas des technocrates, nous sommes des gens qui avons pour vocation de nous adresser tout bêtement à tout le monde. Et par conséquent, effectivement, on ne peut pas se défendre avec des arguments techniques. Si on peut avoir des arguments techniques, comme celui que j'ai eu tout à l'heure, disant que, en fait, qui est demandeur de philosophie, mais c'est le savant qui est en train d'inventer, non pas le savant qui enseigne sa science dans une faculté ou dans un lycée, mais le savant qui est à la pointe de l'invention, à l'extrême pointe de l'invention. Eh bien, celui-là, il est sans arrêt demandeur de philosophie, parce qu'il est toujours en train de se poser des problèmes philosophiques au sujet du travail qu'il pratique. Par conséquent, la demande de philosophie est universelle, et elle est aussi particulière que l'on veut. Elle va dans des fines pointes de l'esprit et de la recherche. Je vois bien, Michel Serres, que c'est le moment pour moi de placer mon histoire de chauffeur de taxi, que oui, j'ai raconté plusieurs fois déjà à des amis. Ça, c'était en 1968, à une époque où quand le sang coulait à flot dans les rues, et parmi les incendies, bon, j'ai donc aidé un taxi qui m'a chargé, comme on disait à cette époque, et les chauffeurs de taxi n'aimaient pas beaucoup les étudiants, parce que les étudiants brûlaient des taxis, paraît-il. Et alors, il m'avait chargé à Sancier, près de la faculté de Sancier, où nous nous réunissions souvent en Assemblée Générale pour réformer le monde et la philosophie. Et il m'a dit d'un air hostile, vous venez de là, de Sancier? Oui, j'étais obligé de lui répondre que oui. Et qu'est-ce que vous enseignez là-bas? Misère, je lui ai dit, la philosophie. La philosophie, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que ce soit la philosophie. Et alors, qu'est-ce qu'elle sent, cette philosophie? C'est elle qui brûle les kiosques à journaux. À quoi ça sert, la philosophie? Pourquoi existe-t-elle? Alors, à ce moment-là, j'ai eu une lueur de génie. Vous savez, une de ces intuitions qu'on a dans les moments de grand danger, pour se sauver, n'est-ce pas? Alors, j'ai eu une inspiration géniale, je lui ai dit, la question que vous me posez, c'est la question de la philosophie. C'est la première question philosophique. Alors, il s'est retourné vers moi, brusquement, au risque de faire une embardée sur le trottoir, en me disant, ça, par exemple, alors, quand je vous demande ce que c'est que la philosophie, je fais de la philosophie? Oui, c'est la première question de la philosophie. C'est ce que les philosophes se demandent tout le temps. Ah ben ça c'est intéressant ce que vous me dites là, me dit-il. Je suppose qu'en rentrant chez lui, mais j'ai pas eu le temps de lui expliquer parce que nous étions arrivés. Mais ça lui a ouvert un horizon à cet homme, n'est-ce pas? Je sais pas depuis le temps ce qu'il est devenu. Mais enfin, il est devenu professeur à la Sorbonne. Je l'avais involontairement initié à quelque chose en problématisant la philosophie, en lui disant que c'est ce qu'elle fait depuis son origine. Et n'est-ce pas, c'est ce qu'elle fait, Michel? Exactement. Elle fait depuis son origine. Elle essaye de se définir, de se trouver, de se chercher. Elle n'est pas évidente pour elle-même. C'est dur, c'est fatigant, mais finalement, enfin, on y trouve des éléments de fierté. Alors là, on passe de la mauvaise conscience à la trop bonne. Nous sommes sur le point de devenir des martyrs. Vous voyez, c'est le moment où nous allons être coupables, répréhensibles, de nous poser comme ça, comme des martyrs de l'exercice philosophique. Et tout de même, il y a beaucoup de gens, et vous parlez de la demande, moi je dirais aussi... la jeunesse, ce qui est merveilleux, je dis bien merveilleux, c'est que dans notre temps, attaquée comme elle l'est, eh bien on trouve encore beaucoup de jeunes Français, des tas de jeunes Français qui veulent enseigner, et qui veulent enseigner la philosophie, et pas autre chose, et qui savent ce qui les attend. C'est-à-dire qu'ils vont 15 ans de province dans un trou infect où il n'y a pas de ciné-club, où il n'y a pas de bibliothèque, où tout ce qui fait aide les jeunes gens à vivre est absent. Et ils acceptent de vivre pendant 15 ans de leur vie, parce que c'est très long maintenant, les stages qu'on fait là-bas. Et ils acceptent parce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment la philo. C'est drôle, vous me direz. Eh bien, moi, je trouve que c'est beau. Moi, je trouve que c'est beau. Mais on ne peut pas expliquer ça à un technocrate, à un énarque et à un synarque, n'est-ce pas? Ça, ils ne comprennent pas, eux, qui sont pour la crétinisation du pays. Eh bien, il faut qu'ils sachent cela, et de ne pas croire que la philosophie est un dépotoir. Alors, utile ou inutile la philo? Écoutons ce qu'en pensent brièvement quelques élèves de terminale du lycée Jean-Baptiste C. Vous êtes pour la suppression? Moi je suis pour la continuation du cours de philo. Dans les classes scientifiques, on a tendance, disons, à laisser de côté quand même la philo Il faudrait quand même que ça soit fait d'une manière plus sérieuse. En ce qui me concerne, je le regrette, je m'insurge contre ça, mais j'ai besoin de m'intéresser à la technique et il me reste plus tellement de temps pour la philo, quoi. Ça vous manque ? Ça me manque, oui. C'est pas utile du tout, ça je sais pas, ça apporte une ouverture d'esprit qui apporte pas les maths. Non, mais dis donc, c'est la même chose, c'est des matières comme l'histoire géo, la philosophie, le français, où il y a possibilité de critique et des cours beaucoup plus importantes que dans des matières comme les maths ou la physique-chimie. Même à mon avis, la philo, c'est assez... Ça surplombe le tout, c'est bien évident. Il ne restera pas un truc qui va se mesurer en quantité de savoir comme pour les maths. C'est bien pour ça que c'est relativement simple à supprimer, parce que c'est pas quelque chose qui pourra se mesurer, dire ah, « il n'a pas fait tel ou tel chapitre, bon, comme c'est faisable dans une matière scientifique. Bon, » Pour vachement de gens, c'est la première fois qu'ils entendent parler d'un certain nombre de choses, parce que, en général, les gens ont un certain nombre d'idées reçues, qu'il est bon pas de détruire, mais qu'au moins les gens apprennent à réfléchir dessus, avant, qu'ils sortent pas du lycée avec la certitude que toutes leurs idées reçues sont justes. Je disais que, bon, si le pouvoir veut supprimer, par exemple, les matières, disons, littéraires, ou les restreindre, bon, c'est tout simplement parce que ça peut développer un esprit critique qui n'est pas du tout rentable, disons, à l'arrivée des jeunes sur le marché économique directement. Un savoir, c'est exactement ça. On cherche à rendre les gens bornés, je veux dire, à avoir une vision des choses, mais extrêmement limitée. Moi, j'ai rencontré un mec qui était en maths sup au sport d'hiver. Bon, ça faisait deux fois ce qu'il skiait. Il essayait d'expliquer à un groupe compétition comment tourner avec des histoires de couple de force appliquées au bout des skis. Bon, il était complètement polarisé sur les maths et la physique. Bon, il était incapable de voir les choses autrement qu'à travers un savoir très très limité, en fait. C'est pas quelqu'un qui peut réfléchir, il peut qu'appliquer des théorèmes. Plus souvent aussi, on a présenté le philosophe comme un être un peu dans les nuages, tout ça. C'est vraiment des idées aliénantes, du genre le philosophe est fumeux, c'est un ermite, c'est des idées aliénantes, si tu veux. C'est un peu un fou, un peu, alors on le met à part dans la société. Alors qu'en réalité, la philosophie, justement, c'est... Peut-être ce qu'il y a de plus réel, en fait, par les problèmes qu'elle aborde. Non, on l'a vu dans les discussions, c'est mille fois plus... disons, plus près de ce qui se passe en dehors du lycée que, par exemple, un cours de maths, même si directement un cours de mathématiques, bon, ça doit avoir une utilisation directe. Moi, je suis sûr qu'il y aurait vraiment de la philo à partir de la 6e de façon mais vraiment intéressante et concrète, c'est-à-dire pas des petites heures saupoudrées, comme tu dis. En tout cas, la majorité des gens auraient été éveillés grâce à la philo. Je suis sûr que les gens auraient des réactions beaucoup plus saines devant ce qui leur arrive dans la vie, des réactions plus saines devant tout ce qui arrive, genre commando fédéine, genre les jeunes qui attaquent un café, genre des trucs comme ça, plutôt que de prendre les armes et de tirer sur les gens. Je suis sûr que les gens seraient beaucoup plus réfléchis et feraient bien plus gaffe à ce qu'ils font. Ah, tu crois à la force de la... Ouais, moi je crois à la force de la philo. Vladimir Jankélévitch et Michel Serres dialoguent maintenant avec le public. Vladimir Jankélévitch a dit que nous étions amenés non seulement à pleurer ensemble, mais à lutter ensemble. Dans ce cas, j'ai une question à vous poser, puisqu'il va falloir qu'on se batte ensemble. Est-ce qu'on va se battre seulement pour la défense de ce qui est, ou bien, puisque on sait qu'il y a une demande partout, et que l'on sait qu'il faut que la philosophie ait du temps ? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, loin de défendre un prétendu privilège, nous réclamons que la philosophie ait lieu pendant plusieurs années dans le lycée, d'une part, que d'autre part, elle soit étendue à, par exemple, les CET. Il est hors de question, paraît-il, toujours, personne n'a jamais posé la question, que l'on enseigne la philosophie dans les CET. Pourquoi pas ? Mais justement, je me proposais de traiter ce point qui, je crois, a été proposé par le petit groupe de travail auquel vous appartenez et dans lequel, je crois, l'essentiel, c'est que la philosophie est enseignée pendant plusieurs années et pas seulement en classe de philosophie, ce qui en soi est très, très admissible. et qu'en même temps, il ne s'agit pas de la le reconstituer telle qu'elle était avant, mais il y a du reste des choses qui changent dès maintenant et qui changent beaucoup. Par exemple, les rapports de la philosophie avec la littérature. Pourquoi ne ferait-on pas de la philosophie à propos des auteurs littéraires ? Et les distinctions catégorielles entre les textes littéraires et les textes philosophiques deviennent très floues, est une des marques de notre temps. Et il y a deux mouvements d'échanges réciproques qui tous les deux sont très heureux, font partie des temps nouveaux. C'est d'une part les littéraires qui font de la philosophie, souvent aussi bonne que la nôtre, quelquefois meilleure. Il y a des thèses très intéressantes sur le bonheur au XVIIIe siècle. Et il y a eu surtout l'initiateur de toutes ces recherches, qui était un Georges Poulet, dont on ne parle pas suffisamment maintenant, qui a fait ses études, ses recherches sur le temps humain, dans lequel il étudie... La philosophie chez Georges Poulet consistait à étudier le temps chez Sainte-Beuve, le temps chez Lamartine, le temps chez Alfred de Vigny, le temps chez Victor Hugo, pourquoi pas, un de nos collègues, que nous connaissons bien, tous les deux, notre université, et étudie Victor Hugo. Son auteur philosophique, c'est Victor Hugo. Et ce qu'il fait, c'est passionnant. Les recherches de Jean Morel sont passionnantes. Je ne dis pas ça pour qu'ils m'entendent, c'est parce que je le pense, et il le sait d'ailleurs. Et vice-versa, donc, les littéraires deviennent philosophes, les philosophes littéraires. Si c'est ça, alors bravo, j'ai très bien. On peut très bien faire de la philosophie en seconde, par exemple, à propos de Montaigne, du stoïcisme moral au XVIIe siècle, au XVIe, par exemple, à propos de ce qu'on appelle les philosophes, entre guillemets. Après tout, qu'est-ce que c'est des philosophes ? C'était des auteurs plutôt des programmes littéraires. Diderot, etc. Or, maintenant, ces distinctions deviennent floues. Il y a donc un échange qui s'accomplit, qui est, je crois, un des signes de notre modernité, et qui sont très précieux. Alors, ceci dit, il me semble que, même avec cela, une terminale restera toujours nécessaire. Absolument. Qu'elle est irremplaçable. Absolument. Une terminale est irremplaçable. Et que ce dont j'ai peur, voyez-vous, dans le projet que vous débattez avec vos collègues, c'est que vous saupoudriez avec comme du sucre en poudre, n'est-ce pas, de la philosophie un peu partout, dans toutes les, depuis les maternelles jusqu'au maths spes, jusqu'aux mathématiques spéciales, n'est-ce pas? Et alors, il y en aura partout, il y en aura nulle part. Donc, ça n'est opérant, ça n'est efficace, ça n'aura une signification qu'à condition qu'il y ait une classe où vous posiez le problème du problème. Par exemple, les études sur le temps humain. Bravo, c'est très intéressant, mais il faut une classe où on parle du temps. Qu'est-ce que c'est que le temps ? L'objet de la philosophie, l'objet qui n'est pas un objet, l'objet qui est impalpable, impondérable, et qui est comme la philosophie elle-même. Bien, Michel Serres, vous ne voulez pas intervenir sur cette question, monsieur ? Bien, de l'utilité de la philosophie, et je dirais même de la nécessité de la philosophie, je pense que tout le monde, ou du moins une grande partie de l'opinion, commence à se rendre compte, maintenant qu'elle est menacée, et personnellement, je m'en rends assez compte, parce que je poursuis des études de génétique. On a vu dernièrement au congrès de la Sorbonne combien elle est utile dans cette science. Mais je voudrais vous soumettre une proposition et la compléter. C'est ce que disait tout à l'heure cette demoiselle. Car j'enseigne en CET les sciences, je fais de l'auxiliariat, et je me rends compte que je réservais une heure par mois, une ou deux heures suivant les questions, que l'on me pose pour y répondre. Et bien sûr, il y a les questions scientifiques, mais également les questions que l'on me pose tendent souvent à la philosophie. Alors, je me demande jusqu'à quel point cette proposition n'est pas réalisable. Et je crois qu'elle répond peut-être, et disons sûrement, à un besoin profond de ces jeunes élèves. Et en même temps, je voudrais peut-être faire une digression tout à fait différente, c'est sur la réforme Abi. Dire que cette réforme me semble la parfaite illustration du principe de Peters. C'est-à-dire que M. Abi, ayant gravi successivement tous les échelons dans l'enseignement, bien il est peut-être arrivé à son point d'incompétence maximum, qui serait cette réforme, et que, dans le fond, le machiavélisme que l'on pense, bien sûr, il existe peut-être, mais en réalité, je me demande jusqu'à quel point une incompétence totale ne rejoint pas un machiavélisme profond. Sur ce dernier point, c'est mon ministre, je n'ai rien à dire. Mais en tout cas, ce que vous avez indiqué sur vos élèves est extrêmement précieux et très intéressant. Ça m'a été dit de différents côtés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense aussi que c'est une réflexion qu'on trouve chez beaucoup de professeurs, en particulier de sciences. effectivement, vous enseignez par bonheur une science qui a deux caractéristiques, c'est qu'elle s'occupe de choses absolument capitales, c'est-à-dire la vie, la mort, la reproduction, et qui d'autre part a été illustrée, au moins en France, par des noms prestigieux et qui est très répandue dans le public. Et il faut remarquer qu'effectivement, dès que des gens se posent des problèmes dans votre science, la marge philosophique est très rapidement atteinte. Et je suis tout à fait d'accord sur ce fait-là, que les problèmes philosophiques se posent au plus près voisinage de votre discipline. Il doit en être de même de beaucoup de disciplines. Oui, c'est ce que je voulais dire, justement. J'entends derrière la physique, et c'est très vrai. D'ailleurs, actuellement, la recherche en physique théorique, c'est avant tout construire un système philosophique, puis essayer de le vérifier par l'expérimentation. Il faut dire, enfin, là, alors c'est une remarque beaucoup plus générale, que depuis, disons, la Deuxième Guerre mondiale, l'ensemble de la classification des sciences, enfin, ce qu'on appelait autrefois telle et telle discipline, a été soumis à un très violent tremblement de terre, de sorte que les diverses séparations, divers cloisonnements entre les disciplines sont presque complètement détruits. Et là, il y a un point précis sur l'incompétence maximum dont vous parliez tout à l'heure. Vouloir couper en morceaux le plus possible actuellement le savoir revient très exactement à revenir à un savoir qui doit dater d'un siècle ou un siècle et demi. Actuellement, ce qui fonctionne avec le plus de dynamisme dans le savoir, c'est ce qui, au contraire, est à l'interface ou au plus près voisinage de disciplines. Notre intervention sur l'autre micro. Vous avez souligné que la philosophie est indispensable à ceux qui sont à la pointe de la recherche. Ça me semble tout à fait évident et je l'ai constaté plusieurs fois. Au moins en sciences humaines, j'ai pratiqué l'économie politique et la psychologie et c'est évident. Mais il me semble que la philosophie a une importance d'un ordre différent parce qu'elle concerne tous les hommes dans leur vie et dans leur capacité finalement d'exister et d'évoluer et de vivre aussi bien que possible. Et que la philosophie est vraiment une chose de tout le monde, même des gens extrêmement peu instruits et de tous les âges même. Parce que les premières questions que l'enfant pose sont souvent des questions auxquelles ne peut répondre que la philosophie. Enfin, je me souviens que la question sur la mort, je l'ai posée à ma mère alors que j'avais vers 4 ans. Les adolescents, il me semble que c'est tout à fait courant. Et ce que j'ai observé ensuite, parce que je me suis trouvée secrétaire dans une grande entreprise, et j'ai vu alors des gens qui sont loin du monde intellectuel et universitaire que je connaissais, qui sont souvent des techniciens très brillants, mais qui n'ont aucune capacité philosophique. Et je me suis rendu compte que ceux qui arrivent à vivre après l'âge de 30 ans, en fait, dont la vie n'est pas une impasse et un processus de dégénérescence cruel après l'âge de 30 ans, ce sont seulement ceux qui ont acquis une certaine capacité philosophique. Et ce n'est pas toujours des grands intellectuels. Souvent, j'ai vu que ce sont des gens qui ont une instruction à peine moyenne et qui alors, naturellement, sont obligés de chercher dans les philosophies qui s'expriment au moins avec plus de simplicité, qui ne sont peut-être pas plus bêtes, mais enfin, mettons la macrobiotique ou les zins, etc. Et ces gens-là, ils continuent d'évoluer bien et de vivre bien. Ils ont finalement le teint frais et puis la joie au cœur. Et j'ai vu des malheureux qui étaient des directeurs de notre entreprise, qui n'ont jamais connu de réelles difficultés dans la vie, parce que directement, ils sont devenus directeurs comme ils sont sortis de l'école. Et ils étaient complètement enlisés. Et ce sont des gens qui ne savent pas vivre, qui ne savent pas penser, qui ne savent pas s'ouvrir un nouveau chemin devant eux pour continuer d'évoluer. Et je voudrais aussi rendre un petit hommage personnel à M. Jankelevitch, que j'ai découvert tout à fait par hasard en tournant le bouton de la radio alors que j'étais étudiante étrangère et plus ou moins perdue comme tous les étrangers en France. J'ai remarqué que ça avait lieu tous les jeudis à 4h de l'après-midi. J'ai tout fait pour toujours l'entendre. J'ai parlé autour de moi. Il y avait des gens qui le connaissaient déjà et qui disaient, comme moi, c'est inouï, c'est unique. Il y en avait d'autres qui ne le connaissaient pas et qui se sont mis à l'écouter. Je crois que peut-être soit Vladimir Jankelevitch ou Michel Serres peuvent vous répondre maintenant. Moi, j'ai juste à dire un mot, mais je crois que c'est plutôt Vladimir Jankelevitch qui est concerné par cette intervention. La réponse est oui. Je disais, c'est le bien précieux, ultra précieux, de tous les savants dans la pointe de la recherche, mais d'autre part, c'est aussi le bien universel de tout le monde. Alors, j'ai bien insisté sur les deux côtés. Je suis content que vous ayez repris cette idée, toute simple et capitale, au terme de laquelle la philosophie, c'est effectivement l'exercice ouvert à tout le monde, quel que soit son degré de culture, bien entendu. Merci. Mais je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point, décidément. C'est une harmonie pas préétablie, mais enfin une harmonie post-établie, et dont je suis parfaitement conscient. La philosophie n'est pas une spécialité, n'est pas un métier. Je crois que, à ce point de vue-là, je suis content de vivre dans ce pays et dans cette société. Pas dans cette société, pardon, je suis très mécontent, très face à mon aise dans cette société. Mais dans ce pays, oui, parce que les Français ont l'esprit philosophique, la jeunesse française a l'esprit philosophique, et c'est pourquoi c'est un crime de le contrarier. Et la philosophie, c'est la seule spécialité qui n'en est pas une, et qui nous interpelle personnellement. Nous sommes interpellés par elle sur des problèmes qui nous concernent, qui concernent chacun. Alors, ceci dit, naturellement, la question qui se pose est de savoir comment l'exercice philosophique exigerait une catégorie particulière de gens dont la spécialité serait de l'enseigner, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de difficulté théorique et a priori à cela, surtout que pour le faire bien... Pour enseigner la philosophie, il ne faut pas seulement avoir une position sur les problèmes, mais d'abord, il faut connaître le langage, les concepts, la problématique, comme on dit, les problèmes des problèmes qui sont posés en Occident. Et il y a des noms qu'on cite, évidemment, à Tientsin ou à Irkoutsk. Irkoutsk, peut-être c'est encore l'Europe, enfin, ou c'est la Russie. Mais dans les pays très lointains, on ne cite pas les mêmes noms, on ne se réfère pas aux mêmes concepts. Il y a donc des doctrines, des concepts, des phrases que l'on cite et qui sont comme des fanaux, si vous voulez, des phares, des repères par rapport auxquels nous ordonnons nos pensées, n'est-ce pas ? En Occident, nous citons Platon et Aristote, nous citons Bergson et je sais pas qui, moi, des penseurs célèbres, Hegel, parce que nous sommes des Occidentaux. Ailleurs, on en citerait d'autres. Ça, c'est la partie matérielle du discours. Et il faut savoir beaucoup de choses pour discuter des problèmes en soi. Et puis, une fois qu'on a fait ça, eh bien, une fois qu'on a fait ça pendant quelque temps, eh bien, il faut qu'on se présente nu et inerme et désarmé devant le problème lui-même. Et c'est pourquoi, lorsque nos étudiants nous ont bien parlé en long et en large de Hegel et de Nietzsche, parce que vous savez, c'est un peu leur déformation due à leur professeur. Quand on leur dit, on leur parle de n'importe quoi, le temps, ils répondent, Hegel dit, Descartes dit, et vous, qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous dites, vous ? Alors, c'est la seule chose qu'ils avaient oubliée. Au début, ils sont désarçonnés. Ils ne pensaient pas qu'on puisse avoir une opinion. N'est-ce pas ? Mais ils s'habituent, et finalement, ils en ont une, et comment ? Et ils viennent discuter, ils viennent au micro même, non pas sur les opinions, les placita de X et de Y, de tel ou tel professeur, mais sur ce qu'ils en pensent, eux, n'est-ce pas ? Et c'est pourquoi il y a des problèmes qui, auparavant, n'étaient pas philosophiques. Je ne sais pas pourquoi. Des problèmes qu'ils n'avaient pas le droit de citer. Que les professeurs de philosophie, les programmes n'admettaient pas. La mort, par exemple. La mort, c'était pour les prêtres, au lit de mort. Alors, il arrivait avec la Bible, n'est-ce pas ? Il lisait les prières. La mort, c'est un problème religieux. Et inexplicablement, la mort n'était pas un problème philosophique. Je vous demande un peu pourquoi. Pourquoi c'est pas philosophique ? Mais c'est la philosophie elle-même. Et le temps est bien un problème philosophique. Et maintenant, on considère que la mort est un problème philosophique. Et ça a commencé avec Schopenhauer. Vous saviez ça ? Schopenhauer est le premier, dans les quelques pages géniales, des compléments au principe que monde comme volonté et représentation. Vous voyez, je cite mes auteurs, c'est l'habitude du métier, c'est professionnel. Et il nous dit que l'homme est le seul être qui s'étonne d'exister. C'est très beau d'ailleurs. L'homme est le seul être qui s'étonne d'exister. Un chien s'étonne pas d'exister. Il existe et tout, ça va de soi. Vous voyez, la philosophie, c'est de s'étonner des choses les moins étonnantes. S'étonner d'une chose étonnante, il n'y a pas besoin de philosophie pour ça. C'est pas une comète passe dans la salle, une soucoupe volante, enfin, la montagne Sainte-Geneviève a une éruption volcanique, c'est étonnant, n'est-ce pas ? Donc, c'est pas un étonnement philosophique. Mais par contre, s'étonner de vivre, mademoiselle, s'étonner de vivre, c'est la philosophie même. Qu'est-ce qu'il y a de moins étonnant que de vivre ? Un battement du cœur succède à un autre battement, le pouls, ça marche, la respiration, donc c'est pas étonnant du tout, ça va de soi. Alors un philosophe est un être bizarre, qui s'étonne de ces choses-là. C'est la philosophie même. Et ça, les gens le comprennent très bien, spontanément, parce qu'après tout, c'est leur problème, hélas, notre problème à tous. C'est pourquoi on peut commencer par là, d'ailleurs. La mort est un problème philosophique. Et comment ? Peut-être le seul. Et le temps. Le temps, je ne peux pas l'apporter entre les doigts, je ne peux pas le palper, je ne peux pas le définir. Et d'abord, c'est même pas un objet, puisque je suis dedans au moment où j'en parle. N'est-ce pas ? Quand on est dedans... Dans une chose que l'on veut prendre comme objet, elle n'est pas maniable. Donc, elle est tout, éternellement problématique. Elle est donc philosophique. Est-ce que je dis une bêtise ? Non, pas du tout. Non, non, non, non. Oh, mais j'en dis tellement que non, vous non. pourriez me... Non, non, non, non. Une autre question ? Moi, il me semble que finalement, peut-être que notre travail à nous, enseignants de philosophie, c'est celui de désapprendre la philosophie en tant que système de pouvoir, en tant que système de domination, en tant qu'appareil intellectuel d'organisation totalitaire de la vie. Alors, quand Michel Serres dit, finalement, il faut se demander qui je sers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un monde qui est de plus en plus technicisé, technocratique, finalement, on sait très bien que tout le monde parle de philosophie. Et on voit monter, non pas du tout une disparition de la philosophie, mais des institutions qui sont philosophiques, qui fonctionnent comme des philosophies implicites, et particulièrement des philosophies politiques. Et je crois qu'il y a une chose tout à fait remarquable qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans les articles que l'on a écrits à propos de la philosophie, nous avons vu qu'il y avait une certaine philosophie nouvelle, d'avant-garde politique, qui se présentait comme quelque chose qui n'avait plus rien à voir avec la poussière. Et alors la poussière, finalement, que représentent les philosophes, c'est peut-être l'intempestivité par rapport à tous les pouvoirs, par rapport à tous les systèmes de domination. Alors je voudrais, je ne sais pas, c'est une idée qui m'est venue maintenant, là, en vous écoutant, je voudrais savoir si cette inspiration passagère correspond à l'idée que vous faites de notre enseignement. Michel Serres. Oui, la première réponse que je ferai, c'est « plus ça classe, moins ça pense ». Hein, c'est ça. Mieux c'est organisé, moins c'est inventif. Il n'y a aucun doute là-dessus. La deuxième chose concerne le pouvoir. Je pense effectivement que lorsqu'on pose la question la philosophie, à quoi ça sert? Et il faut, je crois, répondre la philosophie, ça enseigne à savoir qui je sers. Voilà. C'est ça que je... C'est-à-dire, dans le mot « servir », il y a à la fois l'outil, l'ustensile et la servitude. Alors, la critique de tout pouvoir, c'est effectivement le rôle de la philosophie. Et depuis Socrate, elle en est toujours morte, toujours. La philosophie est toujours en train de mourir, bien entendu. Mais ça, c'est son destin. Elle meurt ce soir, une fois de plus, mais à Athènes, au IVe siècle, elle était morte déjà, et ainsi de suite. Une autre question ? Oui. Je refuse absolument de subir mon destin de cette façon-là. Moi aussi. Et je tiens à préciser que j'ai lu avec attention la réforme de M. Abi et qui envoyait, vous savez, aux lycéens plusieurs papiers en disant « J'espère que vous allez comprendre la philosophie de ma réforme ». C'est ça. Alors je me suis penché sur la philosophie de sa réforme qu'il présentait d'ailleurs en disant dans un texte qu'il avait voulu faire un électrochoc. Alors, je n'ai pas très bien compris comment je pouvais recevoir la philosophie d'une réforme qui, par ailleurs, était un électrochoc. Cela étant dit, ne voulant pas subir ce destin dont vous parlez, j'aurais aimé, il me semble quand même, que depuis une heure, j'aurais aimé qu'on pose les problèmes en termes un peu plus serrés. Si vous voulez, il me semble, je m'explique, il me semble qu'on a ici défendu la philosophie, mais au fond, on l'a défendue en disant des évidences, n'est-ce pas? On sait très bien que Thalès tombe dans le puits, depuis longtemps, moi je l'ai appris en tout cas de mes professeurs, et qu'on est donc la risée de tout le monde. Alors je pense qu'il faudrait poser un peu le problème en termes politiques. Et à ce moment-là, et je m'arrête ici, insérer le problème de la philosophie dans la réforme Abi, dans tout le problème de cette réforme. On ne peut pas défendre la philosophie ici contre la réforme Abi sans poser le problème de la réforme Abi. Et alors, un dernier point, une des premières phrases de cette réforme est celle-ci: nos enfants ont l'habitude de vouloir toujours construire des objets utiles. Et dans le lycée dans lequel je suis... Et cocottes en papier par exemple. Voilà. Et alors, je suis intervenu là-dessus pour signaler comme quoi tout ceci résumait ce qu'était la réforme Abi. Et mes supérieurs, gentils, n'ont pas voulu trop me contredire. Mais ensuite, dans les couloirs, on dit, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le professeur. En fait, c'est quand même vrai. Vous voyez, par exemple, mon enfant, je lui ai offert un mécano. Et vous ne savez pas ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait un char d'assaut. Et vous voyez, alors, ici, on voit, bon, c'est un objet effectivement très utile. Un objet très, très utile. Mais vous voyez ce que je voulais dire, hein, je m'arrête ici. Moi, je pense qu'il faudrait quand même voir vraiment qu'est-ce que ça cache. Enfin, poser ça en termes plus politisés et donc, pour M. Yankelevitch, ici en termes de combattants. M. Yankelevitch, je ne sais pas si je crois que nous avons suffisamment insisté sur le côté idéologique de certains, sans le dire en toutes lettres. Et quand je parlais d'un simili, d'un pseudo, d'une feinte, n'est-ce pas, d'une fausse avant-garde, préoccupé avant tout d'intervertir les rôles. Nous avions compris qu'il s'agit d'un modernisme de pacotille qui, en réalité, veut fournir un personnel pour les patrons, pour les usines, de même que quand le gouvernement nous parle d'une ouverture au monde moderne, n'est-ce pas ? C'est une des devises les plus chères à ceux qui nous gouvernent, l'ouverture au monde moderne, comme disaient les étudiants en 68. Mais pour les étudiants, l'ouverture au monde moderne, ça voulait dire le renouvellement des programmes, ça voulait dire enraciner la spéculation dans la pratique et la remettre également la pratique en relation avec la spéculation. Ça veut dire n'admettre aucune valeur, aucun système de valeur comme allant de soi, renouveler ses valeurs. Ça voulait dire des tas de choses, enfin, ça donnait des contenus. Tandis que pour le gouvernement, l'ouverture au monde moderne, ça veut dire ouvrir les conseils d'université au patron du textile à Lille, au papa du caoutchouc à Clermont-Ferrand, au papa de l'acier à Nancy ou du charbon, et ainsi de suite. Ou comme ils disent, dans un langage pudique, intégrer l'université dans la région économique de son ressort. C'est le langage que l'on tient. Alors, écoutez, on ne peut pas en dire plus. C'est donc un aspect très politique. Et ben, ça, tout le monde le dit. Et nous ne sommes bornés au problème que nous connaissions le mieux, qui n'est pas le plus important, d'ailleurs, mais qui est quand même très important, parce que, comme ça ne nous échappe pas, vous qui êtes candidat à l'agrégation de philosophie, n'est-ce pas ? La terminale optionnelle, c'est la clé de voûte du système. C'est la clé de voûte pour laquelle tout est fait. Par conséquent, on ne peut pas toucher à ça sans toucher à l'ensemble. Donc la force de cette réforme, c'est que c'est un tout qui se tient, en effet, et qu'il est hors de doute que le ministre ne peut pas admettre la transformation des terminales en terminales libres, n'est-ce pas ? Puisque son objet est de les souder avec une première année de faculté déjà spécialisée et, par conséquent, avec une double sélection. Donc tout cela est concerté, la machine est bien huilée, elle est très bien agencée. Je pense que nous en avions assez dit sur ce chapitre. Alors évidemment, pour la dominer, la survoler entièrement, il fallait une compétence que nous n'avons pas. Et nous sommes contentés du problème que nous connaissions le mieux et qui intéresse au premier chef non seulement notre métier, notre vie, mais aussi les habitudes françaises, la force de la réflexion, le désir de penser par soi-même, qui est inné chez tous nos compatriotes, tout de même. Une question qui sera la dernière, sans doute. Je voudrais faire remarquer que le poids du pouvoir dans cette réforme peut se manifester au niveau de ce qu'on pourrait appeler un changement de nature de la classe de terminale. En effet, la classe de terminale n'apparaîtra plus du tout comme le couronnement de l'enseignement secondaire, mais comme une classe à finalité pré-professionnelle. Et cet éventail extrêmement large d'options qu'on nous propose est en réalité décalqué sur les besoins du marché, du travail. Et les gens soumis à la loi du marché choisiront les options en fonction de cette loi du marché. C'est tout simple. Autrement dit, formellement, on nous suppose un choix. Monsieur Habib, dans son projet de réforme, utilise même le concept kantien d'autonomie. Mais en réalité, le paragraphe qui suit dans sa réforme montre que c'est des finalités professionnelles qui dicteront le choix. Alors, lorsqu'il s'agit des universités ou des classes préparatoires aux grandes écoles, on veut bien croire que les universités, y compris les universités autres, les universités de lettres, exigeront la présence d'options philosophiques pour leurs futurs étudiants. Mais c'est ignoré que beaucoup d'étudiants quittent l'enseignement à la fin de la terminale, sont jetés sur le marché du travail, et ceux-là n'ont strictement aucun intérêt effectif à choisir l'enseignement de la philosophie. C'est donc ce déplacement et donc en fait son expulsion. Je voudrais faire aussi une seconde remarque, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi. Un danger nous menace, c'est qu'on nous accorde, à l'issue de quelques combats, un éparpillement, un émiettement d'enseignement de la philosophie, du type 2 heures en seconde, 3 heures en première, 4 heures ou 5 heures en terminale. L'effet de cet émiettement, ce sera, si vous voulez, d'émietter le discours philosophique lui-même, c'est-à-dire de reproduire des contradictions qui sont internes au discours philosophique, mais qui ne peuvent être opérantes que si l'on donne à chacun des termes de la contradiction le temps, les moyens de s'exprimer correctement. Or, c'est pas du tout ce qui aura lieu, et ça va induire une sorte d'éclectisme. Autrement dit, la première année, on aura un prof d'un certain type qui va enseigner un certain type de philosophie, la seconde année, un autre, puis éventuellement, la troisième année, un troisième type d'enseignant, de telle sorte que les enfants ne s'y retrouveront absolument plus. C'est ce que je voulais soumettre à l'avis des experts. En effet, l'émiettement de l'enseignement philosophique, je suis tout à fait d'accord sur ce point, les mathématiques, la physique, la chimie jouissent d'une cohérence progressive bien déterminée. on sait commencer en sixième par tel et tel problème, on sait continuer en cinquième, quatrième par tel ou tel problème, ainsi de suite. Il n'en est pas de même en philosophie, tout simplement parce que depuis un millénaire, on n'a pas d'Euclide en philosophie. Si on avait Euclide en philosophie, eh bien, ça ne serait pas la philosophie. On ne peut pas avoir d'Euclide en philosophie. J'ai essayé de le dire en parlant de l'encyclopédie minimale et des sortes de lieux de rencontre des divers savoirs. C'était un peu la même chose que j'avais en vue. Je crois effectivement qu'on ne peut pas défaire le bloc long d'enseignement tel qu'il est en ce moment en fonction. Vladimir Jankélévitch. Eh bien, je crois que, j'espère que nous avons défendu la philosophie, mais en tout cas, même si nous l'avons mal défendue, eh bien, je crois que on vient, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer, et quand on l'aura détruite, on viendra nous chercher. Vous venez d'entendre « Pour la philosophie », un numéro de dialogue de Roger Pilaudin qui réunissait Vladimir Jankélévitch et Michel Serres. Première diffusion le 18 mars 1975 sur France Culture.